Toxistix. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Merci d'être à l'écoute. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir aussi de recevoir du feedback de votre part. Donc, sans plus attendre, parce qu'on a une émission vraiment chargée encore une fois cette semaine. Donc, on va débuter avec un groupe de Montréal qui s'appelle Technical Kidman. J'adore leur nom. Donc, on va débuter avec leur pièce Geometry. Ça, c'est publié sur Internet is Dead. Ensuite de ça, sur Birdsong, c'est un groupe allemand du nom de Coders. Je vous fais passer la pièce Brian. Donc, c'est ça. On va débuter Web Musique comme ça. Puis, si jamais vous entendez des pièces que vous aimez, vous pouvez les télécharger gratuitement. C'est des pièces qui sont pour la plupart sous licence Creative Commons, donc vous pouvez les télécharger sans problème. Donc, c'est ça, on débute l'émission avec Technical Kidman. You are. C'était Condors, un groupe allemand, donc avec leur pièce Brian. C'était publié sur le net label israélien Birdsong, un net label qui existe depuis 2004. Assez intéressant, à ma connaissance. C'est le seul que je connaisse en Israël. Donc, avant ça, c'était de Montréal Technical Kidman avec la pièce Geometry. Un petit peu plus tard, sur le site de l'émission, je vais vous mettre la vidéo de la pièce. Ils ont enregistré ça dans le derrière d'une van. Donc, vidéo vraiment intéressante. La pièce est évidemment très bonne. Donc, ça, c'était publié sur Internet is Dead. Donc, pour poursuivre web musique, je vous présente le groupe Kriget. C'est un groupe qui vient de Stockholm, en Suède. Je vous fais passer leur pièce Martyr. Ça va être publié demain sur Bad Panda Records. C'est un net label qui publie une nouvelle pièce à chaque lundi de chaque semaine. Ils font une entrevue quand même assez en profondeur avec les artistes. Donc, ça permet de les découvrir. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur Bad Panda Records. Ils ont des trucs vraiment intéressants. Puis ensuite de ça va être un duo qui s'appelle Sabretooth. J'ai pas plus d'informations que ça. Ça serait un duo formé par Zach McLaughey et Rex McMurray, deux membres du groupe Pause. Donc, j'en sais pas plus que ça. Je vais vous faire passer leur pièce The Piper. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, ben c'est ça. Tout de suite, on écoute Kriget avec la pièce Martyr. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. La pièce assez psychédélique que vous venez d'entendre, c'est par Sabretooth, un groupe. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent. En fait, j'en ai aucune idée. C'est un duo qui est composé de Zach McLuckie et de Rex McMurray, donc deux membres qui font partie du groupe Pause. Ça, c'était publié sur Cam Jams label, net label qui est défunt depuis 2008, mais qui ont quand même gardé tout leur matériel. Donc, tout est disponible. C'est possible de télécharger tout ça. Avant ça, ben, c'était de Stockholm en Suède, c'était Kriget avec la pièce Martyr. Ça va être publié plutôt demain sur Bad Panda Records. Pour poursuivre web musique, on va entendre un groupe de Vancouver qui s'appelle It's a Living Thing. Je vous fais passer la pièce Paper and Crayons Part 2. Thank you.

pièce totalement hypnotisante par Beautiful Machine, un groupe de Victoria en Australie. C'était la pièce Fine, publiée sur Embryo Recordings. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez aussi avoir accès à la balado-diffusion de l'émission. Pour avoir tout ça, ben rendez-vous au www.webmusique.org et vous pouvez télécharger tout ça. On va poursuivre avec un groupe de Brooklyn. Dommage, leur album n'est plus publié. L'album s'appelle Tarot Tarot, mais il y a quand même possibilité de le télécharger sur Internet. Donc, le groupe s'appelle These Are Powers. Je fais passer la pièce Chipping Ice. Ça, c'est publié sur Us Records. Puis ensuite de ça, de Chicago, vous allez voir une pièce, la guitare complètement folle. Le groupe s'appelle Sirs. Je fais passer leur pièce Boohoo. Donc, ben c'est ça pour tout de suite. On écoute These Are Powers. We'll be right back. de Chicago, c'était le groupe Sirs avec leur pièce Boohoo. Avant ça, on entendait These Are Powers avec leur pièce Chipping Ice. Donc, un excellent groupe qui nous vient de Brooklyn. C'était publié sur Os Records. On enchaîne tout de suite avec un groupe de Barcelone en Espagne, donc qui s'appelle Jenna and Jamison. La pièce s'appelle Not You. Ça ressemble un peu à du rockabilly, vous allez voir, très bon. You are in my head, you are in my bed, and you want to say that I love your face. I'm the bed for you, you're the bed for me, and you want to do things with you. Barcelone, c'était Jenna and the Jamisons avec la pièce Not You. C'était publié sur le net label espagnol Tras Tienta. C'est intéressant, ça fait quand même assez longtemps que je les suis, je pense depuis les débuts de Web Music en 2007. Ils ont toujours du matériel vraiment intéressant. Ben nous, ça va être tout pour Web Music. Docteur Franco est dans la station, il va suivre tout de suite après. Je vous laisse sur une dernière pièce de Das Synapsen Preng Commando. Un groupe qui vient de l'Allemagne, publié sur Pharmacon Records. La pièce s'appelle Der Fisch. Donc, on se laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Music. Bonne soirée! Thank you.